B-Boy. T'as pas les capacités pour jouer le B-Boy. Donc retourne jouer au B-Boy. T'es plus du level, ça fait un bye boy. T'as pas de brolic, tu peux pas jouer au bad boy. Je glisse crème sur le beat, vas-y suck mon beat. Fais pas ton brat, beat, mon équipe sont des pics. Bouge ta tête comme un coq, vas-y trappe ma corde. Écoute ma voix, c'est de la coque, beat. Sniff ma coque, j'élève les MC au bâton de berger. Comme un berger sénégalais, la plupart savent frapper. Les MC me font gerber, putain de berger. J'fais de la zik, mon rap a le physique. Ça c'est magique, ta haine c'est tragique. J'kick sur le beat, les MC, moi j'les nique. Comment ça les canards, joue les cowboys. Tout est dalpé, ça paie en playboy. Ne dis pas tes bêtes, car ici moi je vous rabaisse. Ne joue pas les bêtes et va leur dire faut pas me taire. Ne dis pas tes bêtes, car ici moi je vous rabaisse. Ne joue pas les bêtes et va leur dire faut pas me taire. Wesh, wesh, écoute boy, ici on met des coups de bol. Wesh, wesh, écoute boy, soldat bab, kid boy. Wesh, wesh, écoute boy, ici on met des coups de bol. Wesh, wesh, écoute boy, soldat bab, kid boy. Soldat bab, MSIZ, criminel au MIC. Criminel au MIC. Les MC jouent les bons mais se mangent comme Van Van Van Peta. Soldat Bab MFC. Criminel au MIC. Criminel au MIC. Les MC jouent les bons mais se mangent comme Van Van Van Peta. Écoute boy, les MC parlent mais peu maîtrisent le arc. Non pas mon pour jouer du ils veulent du baba encore. Sur ce son c'est du corps à corps. Boy de ma génération, j'ai jamais été meneur. T'as baisé une meuf qui se respecte, joue pas le menteur. Le rap c'est mon domaine, toi t'es qu'un amateur. Mon beat versus, j'fais chauffer le moteur. J'suis déterminé à te terminer sur une terminée. Le rap français, j'ai plus son niveau, je l'ai terminé. Quand y'a embrouille, porte-toi garant de tes couilles. Cette phrase est destinée à toutes les cailles. Ma voix te dégomme comme une quille. Les MC vont hiberner, allez tous enfiler vos j'te vais. Quand j'suis violent, j'suis pas du genre à dire j'te plaît. Mauvais sud sale, appelle-moi quartier Saint-Jean. C'est Cray sud sale, appelle-moi la Martinique. Mauvais sud sale, appelle-moi quartier Saint-Jean. C'est Cray sud sale, appelle-moi la Martinique. Dédicace à tous mes boys, antidote à Jean Malfra, Blacks au réseau SDAF, MAR6010. Dédicace à tous mes boys, antidote à Jean Malfra, Blacks au réseau SDAF, MAR6010. Soldat Bab MSIZ, criminel au MIC. Criminel au MIC. Les MC jouent les bons mais sont moches comme Van Van Van Peta. Soldat Bab MSIZ, criminel au MIC. Criminel au MIC. Les MC jouent les bons mais sont moches comme Van Van Van Peta. Ah boy, MSIZ, yeah. Soldat Bab. Celle-là c'est pour ceux qui ont tout laissé dégraver dans leur poste. Gear, yeah. Ok. 6-0-100, M-A-R, yeah. Ok. Quartier Saint-Jean, yeah.